Bon, tu viens ? Ça va, j'arrive. Il est pas un peu trouillard, ton frère ? Mais je suis pas trouillard, hein. De nous trois, c'est toi qui es encore dehors, non ? Je disais pas ça pour te vexer, désolé. Je suis pas vexé. Bah, c'est très bien si t'es pas vexé. Bon, on monte ? Non, on doit attendre là. Je paye pas une babysitter pour poireauter dans un hall d'immeuble. T'inquiète, on va pas attendre longtemps. Vous avez peur ? Non. Moi, un peu, quand même. Ouais, pareil, j'ai un peu peur aussi, hein. J'ai pas peur parce que moi, j'ai pas de gosse. Ça rend peureux d'avoir des gosses. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? T'as des enfants, Jennifer, mais t'es toute jeune. Ouais, j'ai... Attends. Quoi ? On devrait pas éviter de dire nos prénoms ? Pourquoi ça ? Si on est écouté, pour pas qu'ils nous retrouvent après. Ah ouais, pas faux ! Non, c'était pas dit dans la feuille de route. Michael Durbico. Putain, Jennifer ! Alors, tu vois que t'as peur. Bon, elle fout quoi ? Je savais pas que t'avais des gosses. J'en ai qu'un, mais pour l'instant, je... Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, quoi. Ah oui, d'accord. Ça doit pas être facile. Non. Et c'est censé être à quelle heure, le truc ? Dans 30 minutes. Mais il reste quoi à faire ? T'as pas lu la feuille de route ? T'es relou ! En gros, les derniers bricolages et le lancement sur le toit. Et on risque rien ? Non, c'est pas dangereux, mais on n'est pas à l'abri d'une garde à vue. Moi, si je me tape une garde à vue, ils vont pas me louper. Bon, on va attendre encore longtemps parce que la babysitter, c'est une sorte d'investissement. T'inquiète pas, Nadine, Anémone va arriver. C'est qui, elle ? Tu lui as envoyé un texto ? Non, les portables sont interdits. Anémone, c'est celle qui gère le truc. Tu vois bien qu'on doit pas utiliser nos prénoms. Comment ça ? Anémone, c'est forcément un pseudo. Mais non, t'es con, c'est son vrai prénom. Et on doit faire confiance à une nana qui a un nom de plante d'aquarium. Mais t'es dur, Michael, on choisit pas son prénom. Moi, mon fils, je l'ai appelé Enzo. Qu'est-ce que j'en sais si... Bah, elle l'a choisi. Ah oui, je suis bête. Quoi ? C'était quoi les autres choix ? Pourquoi t'aimes pas Enzo ? Mais non, pas pour ton gosse, pour Anémone. T'es relou, Michael. En même temps, si elle l'a choisi, c'est bien que c'est un pseudo. On te dit que c'est pas un pseudo, c'est son prénom, mais elle l'a choisi. Et depuis quand on choisit son... Ah ! J'ai capté. En fait, c'est un... Tu vois, un... Une personne transgenre. Ah ouais ? Ah non. Ah non, c'est pas ça que je pensais, mais... Quoi encore ? Ce soir, c'est genre une soirée gay ? T'es relou, Michael. C'est pas une soirée, c'est une action. Ouais, ça va, t'as compris. Alors, c'est gay ou c'est pas gay ? Non, c'est pour tout le monde. C'est inclusif. Voilà, tiens, elle arrive. Eh, tu dis pas de conneries, Michael.